Bouygues, par exemple, pour construire une nouvelle maison de la recherche ou un nouveau bâtiment. Et ensuite, l'entreprise privée qui aura bâti la structure demandera un loyer à l'université. Et au fil des ans, l'université finira par payer la structure beaucoup plus cher que ce qu'elle n'aurait coûté si l'université et l'État l'avaient financée directement. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il nous faut dénoncer. On voit bien les ravages des partenariats publics-privés à l'hôpital, par exemple. On voit les hôpitaux qui sont en train d'être construits sur ce mode et les dysfonctionnements que l'on trouve. Par exemple, l'antenne de Clignancourt de Paris 4 a été construite sur ce mode-là et le chauffage a dysfonctionné dans les deux premières semaines d'ouverture. Donc c'est des choses qu'il faut absolument répéter. Il faut informer nos collègues et leur dire que ces partenariats publics-privés sont des arnaques financières pures et simples. Et encore une fois, peut-être que l'argent de ces IDEX et ces plans campus vont finalement aller vers les entreprises privées qui, elles, vont ramasser l'argent et un beau pactole. Oui, je voudrais juste aussi ajouter un point par rapport aux candidats déclarés à l'élection présidentielle. C'est que je crois qu'il convient que tous nous faisions par différents canaux et nos organisations et nos associations remonter une demande qui est un engagement de décréter un moratoire sur tous les IDEX. Voilà, quelque chose de clair, de pas embrouillé, mais de commencer par là, ça paraît déjà quelque chose d'un peu plus saillant que de noyer le poisson, quoi.